Je suis marchande de panier, qui veut de mon panier d'osier? Regardez-moi ce panier-là, on n'en fait plus des comme ça. Donne-moi ta main, tu peux toucher, tu verras qu'il n'est pas percé. Un panier garanti 6 mois, et si tu n'en veux pas, panier d'osier, d'osier. Être marchande de panier, c'est souvent un très dur métier. C'est pas facile, quoi qu'on en dise, de bien caser sa marchandise. Tiens, l'autre jour, un inconnu, en me mettant la main dessus, me dit qu'est-ce que tu en feras si moi je n'en veux pas. Si tu n'en veux pas de mon petit panier, de mon petit panier d'osier, d'osier. Un garçon qui me plaisait bien m'a dit ton panier me convient. S'il n'a vraiment jamais servi, je t'en donnerai un bon prix. Mais il eut plus tant et si bien qu'il va me demander ma main. Mon panier tant que tu voudras, maman tu ne l'auras pas. Non tu n'auras pas ma petite menotte. Moi je ne veux pas perdre ma liberté. Je reprends mon panier d'osier,